الفائدة الثانية أن من يريد السلامة في دينه ودنياه فعليه باتباع الرعيل الأول السلف الصالح. Celui qui veut salama pour son din, préserver son din, préserver sa dunya, et il veut trouver Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, wallahu subhanahu wa ta'ala radi'an, fa liyattabi' ha'ula al-akhyar. النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أصحابه ومن من أئمة السنة. قال عيسى السلام كما في الحديث إنما جعل عافيتها إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. العافية هذه الأمة العافية ألا في أول هذه الأمة أي العافية أي السلامة سلامة أي الخير les bonnes choses le bien. Le fait de s'écarter du mal, tout ça, si tu veux ces choses, aille ce bien et t'écarter de ce mal, al-afiya, fa il est fi awwal hadhihi al-umma. Il y en a tout ce qu'on a besoin, ils nous l'ont montré, et tout ce qui nous fait du mal, ils nous ont mis en garde. Ça, c'est la deuxième fa'ida. La troisième fa'ida, an al-fitan satakthur fi akhir al-zaman. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وسيصيب آخرها أي آخر هذه الأمة فتن ترقق بعضها بعضا فتن أي النبي صلى الله عليه وسلم أن ست أمة التي عافيتها في أولها في آخرها يغادي فتن une fitna elle revient wa hakada. Wa an-nabi alayhi salatu wassalam il nous a montré al-hal dans ce hadith lui-même inna hadhi ummatakum ju'ila afiyatuha fi awwaliha fa si tu veux l'afiya min hadhi al-fitan wa salama min hadhi al-fitan tu suis ha'ula al-rasul sallallahu alayhi wa et ses compagnons et les imams de la sunna qui les ont suivis si tu veux salam amma min al asbab allati tuqa' bi hadhihi al fitan c'est mukhalafat ha'ula mukhalafat an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa man ma'ahu min ashabihi wa man ba'dahu min a'immat al din qala azza wa jal falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adhabun alim fa min asbab al fitan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans ce hadith من أسباب الوقوع في الفتن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث العرباض المشهور المعروف عند الجميع قال عليه الصلاة والسلام ومن يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا الخلاف الاختلاف أي الفتن celui le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a montré que celui qui vit après lui il verra des fitan. Et plus tu avances dans le temps, plus il y a des fitans. Enfin, le prophète sallam nous a donné la solution. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin al-hadith. Wa min hadhi al-fitan allati intasharat fi hadha al-zaman. Al-intikhabat. Min hadhi al-fitan التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستهجم على هذه الأمة الانتخابات فتنة من الفتن بل قل من أعظم الفتن الآن في هذا العصر لأن استفتنة ما سلم منها إلا من سلمه الله عز وجل ونحن اليوم بإذن الله عز وجل سنحاول في هذه الكلمة بإذن الله سبحانه وتعالى أن نبين مفاسد هذه الانتخابات ومخالفتها لدين الإسلام ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق فنحن dans cette kalima on va essayer de montrer les méfaits de l'intikhabat les élections on va essayer de montrer les méfaits et on va essayer de répondre au shubah ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الكلمة الخير والبركة والنفع لمن شاء قبل ذلك قبل أن ندخل في الموضوع اعلم وفقنا الله وإياك لكل خير أن الطريقة الشرعية لاختيار الطريقة الشرعية لاختيار الحاكم أو الرئيس أو الأمير في الإسلام تكون بأمرين أو من أمرين. في الإسلام القرآن la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, les savants ils nous ont montré là, pour choisir le hakim, un président, il a akhiri, un roi, un amir, pour choisir t'as deux façons, deux choses. Al-oula al-istikhlaf, al-oula al-istikhlaf ay al-istikhlaf بمعنى أن الحاكم الموجود, الحاكم الموجود سلوك الحكم يوصي لمن بعده بالحكم. Ça, ça s'appelle l'istikhlaf. Aïe, il donne le khalifa, aïe, le pouvoir à une personne après lui. Kama fa'ala as-siddiq Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu awsa lil khalifa لعمر أوصل الخليفة من بعده لعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. هذا تسمى الاستخلاف, أي الحاكم qui a le pouvoir il désigne un homme après lui qui va prendre le pouvoir, s'il meurt, s'il tombe malade, s'il ne peut plus, il a akhir. Bien sûr, ça c'est avec des chourotes, que ce soit un musulman, il a akhir. On vous donnera les références, celui qui veut étudier cette mas'ala plus. Amma nahnu, on cite ça comme introduction faqat pour montrer anna si on n'est pas dans les deux cas al-istikhlaf wa shura, ça sera une bid'a et une mukhalafa parmi ces mukhalafat al-intikhabat. Lana nahnu on montre l'islam, il nous a tout montré. La muqaddima qu'on a fait ya jama'a ala gharad anna l'islam il est kamel, il est complet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a tout montré. Al-an on rentre dans notre mas'ala. Une personne, il peut se poser la question, si on parle d'élection, l'islam, il nous a tout montré, comment on fait? On lui dit, il y a deux cas. Imma l'amir lui-même, il désigne quelqu'un, on l'a cité, imma ash-shura. Ash-shura. Ash-shura, bima'na, anna l'amir, ou l'hakim, ou ash-shura, يعني اختيار أهل الحل والعقد من يكون الخليفة أو الرئيس, هذه هي الشورى. الشورى أي دي بيرسون أهل الحل والعقد, سي دي بيرسون بيان بريسيز. الشورى سي لا كونسلتاسيون. Des personnes bien précises, ils vont se consulter pour désigner ce qu'il hakim. Et l'ulama ici précise أن الشورى تكون من أهل الحل والعقد. أي l'ulama, les savants, les chefs des tribus, l'uqala, celui qui a de la khibra fi siyasa, il a akhiri. أي des personnalités, ils ont un poids dans la umma. Et c'est des uqala. Ils ont une aqida sahiha. Haoula, ils se rassemblent. Ils se rassemblent et ils désignent Fulan. C'est lui qui mérite. C'est lui le plus pur. C'est lui qui a le plus de ilm. C'est lui, il est qawi dans son din. C'est l'homme, un des hommes les plus fermes dans sa religion. Enfin, c'est lui qui a le plus de capacité de diriger le pays ou la ville. Il a akhir. Kama fa'ala Umar, radiyallahu ta'ala anhu, awsa. قبل أن يموت رحمه الله ورضي الله تعالى عنه قبل أن يموت إلى ديزني سي بيرسون سي بيرسون عثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وبقي واحد من هو الزبير أحسنت ابن العوام سيس فعمر il a pas donné la possibilité à tout le monde, femme, homme, vieux, pas vieux, là ignorant, عالم أبدا, il a donné la مسألة à 6 فقط. Et أنت si tu sais ce qui c'est 6 tu vas comprendre c'est quoi Ahlul Hal wal Aqd. Ces six, c'est les six que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré, ils sont vivants et ils vont fil Jannah. Ils sont dix, ou akthar, avec des autres hadiths. Et ces six, ils font partie de Ha'oula. Enfin, Omar, il a choisi Ha'oula. Ha'oula, c'est Afdal al-Sahaba, après Omar. Afdal al-Sahaba, Abu Bakr, il est mort. Omar, il allait mourir. Enfin, Omar, il a désigné les meilleurs compagnons après lui. Uthman, Ali, il a akhir. Ha'oula, les six, ils ont choisi Uthman. Ils ont choisi, ils ont analysé l'affaire, il a akhir. Ils ont vu que c'était Uthman qui méritait, ils ont mis Uthman comme amir. Al-Istikhlaf, le amir, il donne le pouvoir à quelqu'un après lui. Ça, c'est la première tariqa, la première façon pour désigner un amir dans l'islam. La deuxième, shura, la consultation. La consultation. Idha fahimta hadha, idha fahimta hadha, satafham, inshallah, anna hadhi l'intikhabat, التي جاءتنا من الكفار لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة ولا من منهج السلف أبدا أبدا انتخابات للزيليكسيون كما سيأتي معنا سنظام أي سنظام أي شوز كل الكفار ils ont mis en place pour ils ont un intérêt هم كما سيأتي. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهؤلاء لأن نحن ندين أنت تان مسلم تان قرآن كلام الله تان سنة تام الله تام سو بروفيت أنت تان دي رجل أنت تان دين أنت تان عبد tu veux pas ce que tu veux, tu penses pas comme tu veux أبدا. فpour rapport au أمير أنت c'est pas tout le monde qui parle أبدا. إما سي الأمير lui-même, إما سي أهل الحل والعقد العلماء العلماء والعقلاء سي با تول موند. أما الانتخابات سيأتي معنا سي نظام سي une constitution qu'ils ont fait أنه tout le monde parle. Ce qui va trancher c'est la majorité. La voix de Cheikh al-Islam et la voix de un ضايع un فاسق c'est la même. Dans l'intikhabat al-gharbiyya. C'est la même chose. Un jahal avec un alim, c'est pareil. Il a une voix. Ce qui va trancher, c'est la majorité. S'il y a beaucoup de fusaq, le fisq, il prendra le dessus. S'il y a beaucoup de kuffar, le kuffar, il prendra le dessus. Wa hakada. Et bi'idnillah, à la fin de la kalima, sayati ma'ana al-farq entre l'intikhabat et shura. Les élections et la consultation qu'on a citées, qui a été citée dans la sunna, et que les compagnons, ils ont appliqué, hadhi. Il y a une différence avec les intikhabat haq al-kuffar l'an. Et ça c'est une choubha que certaines personnes ont. On répondra à la fin de la kalima. Fanaqul awalan ta'arif al-intikhabat. Tu dois savoir c'est quoi un tal intikhabat. Al-intikhabat fil l'ugha antakhib fulan ay akhtar. Ça vient de l'ikhtiyar, ay le choix. Al-intikhabat ça vient de, en arabe, le fait de choisir. Al-maqsoud nahnu l'an اختيار الاختيار التعريف نحن الذي نريده الآن قال في المعجم الوسيط قال الاختيار وإجراء قانوني يحدد نظامه ووقته ومكانه في دستور ليختار على مقتضاه شخص أو أكثر لرئاسة مجلس أو نحو ذلك سساء الآن الانتخاب أي سيدي الوقت يزن في la démocratie. Ils ont fait des lois. Ils ont fait des règles pour choisir celui qui a le pouvoir. Que ce soit un président, il a le pouvoir exécutif, ou un il a un pouvoir moindre, un député, il a akhiré. Ils ont fait des lois. C'est le peuple qui choisit. C'est le peuple. Ils font des élections et celui qui remporte la majorité des voix, il prend le poste. C'est ça l'intikhabat. Et on va voir qu'il y a des mafasid azima fil islam. Hadi l'intikhabat, il y a des mafasid azima. Jiddan. Jiddan. Et pour comprendre hada, l'anna l'hukm ala shay far'un an tasawwurih, comme yaqulun. Si tu veux comprendre une mas'ala, tu dois concevoir en ta cette mas'ala. Tu dois savoir d'où elle vient. elle est fondée sur quoi? Et tu pourras, si tu as du ilm, min kitabillah, ou min sunnat rasulillah sallam, ou min sunnat rasulillah sallam, tu pourras déduire un jugement. C'est halal ou c'est haram. C'est min al-iman ou c'est min al-kufr. C'est une sunnah ou c'est une bid'a. Fal hukm ala shayf wa ra'un an tasawwurih. T'es obligé de concevoir la chose. Ba'd an-nas, ils comprennent pas l'intikhab. Ils croient que c'est hakada, j'ai un choix à faire, choisis fulan intaha. Abadan. Abadan, ça sera un khayr, le kuffar, il ne te l'aurait jamais montré. Abadan. Ça sera un khayr, le kuffar, il ne l'aurait jamais donné au bilad muslim. Abadan. Abadan. Il l'impose au bilad muslim, il l'a, c'est un shar. Ils savent très bien que c'est un shar, hum. Lakin, ils n'ont plus le choix. Falihada, nash'at al-intikhabat, aïe, on va donner un bref historique de l'intikhabat. Min kalam Sheikh Mohamed Aman, al-Jami, rahimahullah, kalam mufid. Il va nous expliquer d'où ça vient. Qala, rahimahullah. والذي أريد أن أصل إليه الشيخ محمد أمان رحمه الله من علماء السنة وهو اعتنى جدا بهذه المسائل تعلمون أن الشيخ محمد أمان رحمه الله إمام العقيدة je le vois dans ses livres, ses doros ça tourne que autour de l'aqida c'est من علماء العقيدة رحمه الله et il sait très bien أن la démocratie la laïcité l'intikhabat elles font du mal à l'aqida elles font du mal aux musulmans on va beaucoup prendre de lui rahimahullah haqiqat al-shura wa haqiqat al-demokratiya et ce kalam minhu rahimahullah qala walladhi urid an asir ilay il a montré l'histoire de la démocratie qala thumma ba'd hadha qala anna al-gharb al-nasrani arada an yatakhallas min zulm mulukihim فعقدوا اجتماعات ومؤتمرات كبيرة كثيرة أي أن الغرب النصراني لغب لوكسيدون تعلمون أنهم كانوا يعيشون كالبهائم إلى الآن سيدي بهائمهم من قبل ومن بعد لكن يدنيبا في الشر فكانوا يعيشون في هذا الضلال والانحراف السيطرة والحكم إلى تلي ملوكهم إذا في أوكن بوا الشعب ستدي غوا C'était des rois. Et ces rois, c'était des valim. Ce n'est pas des musulmans, c'est des nasara. Munharifun. Ils pensent qu'à leur hawa, wal'iyadu billah. Ils faisaient de l'injustice à leur peuple. Jiddan. Jiddan. Hatta, comme ta'alamoun, ils ont décidé de se révolter. La révolution française 1789, Ma'roufa. On avait parlé de ça avec les frères dans le dars qu'on a fait sur la laïcité et la démocratie. Al-muhim, an-nash'ab. Ils n'arrivaient plus à supporter leur moulouk. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme a dit le Cheikh Mohamed Aman, ils se sont rassemblés. Leurs philosophes, leurs kada, avec des personnalités. Et ils ont essayé de trouver une solution. Et ils ont trouvé une solution, al-ayyadu billah. Lakin, ils sont sortis d'un kufr, ils sont tombés dans un autre kufr. Hakada, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne waffaq pas. Lana ha'oula, ils ne voulaient pas ad-din, ils voulaient que d'unya. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a égarés. Falamma zaghu, azagha Allahu quloubahum. أزاغ الله قلوبهم فإيه سنسرتي من كفر النصرانية سد ظلم إيه سنتنبي في الإباحية والديمقراطية والفساد إيه سيدي كفر كما سيأتي قال الشيخ محمد أمان قال فعقدوا اجتماعات ومؤتمرات أي إيه سنفدي زاسمبلي pour trouver une solution أي كمو va se débarrasser de هؤلاء ces rois on n'a aucun droit avec eux des tyrans ils pensent qu'à leur هوا والعياذ بالله et le peuple il est تضايع الشيخ محمد أمان قال فقرروا أخيرا نظرية سيادة الشعب والعياذ بالله ils ont conclu أن si on veut se débarrasser de هؤلاء et on veut avoir des droits ils ont conclu ماذا أن le pouvoir il est plus au malik il est plus au roi il passe au peuple et c'est nous qui décide والعياذ بالله هذا c'est grave الآن c'est grave لأن l'être humain il a un رب a été créé wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fa celui qui veut ses droits ils sont faits l'islam fait l'islam t'as des droits et t'as des devoirs rien que dans l'être humain hatta chaque chose elle a sa place amma t'as pas de droits ou t'as pas de devoirs ça sera le fawda fa haoula ils ont délaissé al-huda wal-nur et ils ont choisi al-kufr wal-dhalal الكفر والضلال ils ont الان ils ont décidé que le pouvoir il va être au peuple Et ils savaient que pour avoir ce pouvoir, ils sont obligés de faire un renversement, une révolution. Léana, le roi, il ne va pas délaisser Hakada. C'est ça qui a entraîné la révolution en Europe, en France. Thomas, les autres pays ont suivi. Et ça a fait ce changement. C'est passé de royauté, des rois injustes, dans la main, des kafaras, c'est passé à la démocratie, siyadat al-sha'b. هذا c'est مهم تفهم هذا c'est مهم ولا تغتر اياك واياك tu prends ces choses من الكفرة الكفار ils font apparaître la révolution française الى اخره انه c'est un خير الى اخره c'est du dhulm et ils ont fait le khuruj et ils ont tué et ils ont volé et ils ont été injustes بغير حق بغير حق ظلموا الناس الى اخره eux ils font paraître ça dans les programmes scolaires, dans les cadres, qu'Anahou c'est un khair. Et ils ont libéré l'humanité, il a akhir. Si tu veux comprendre ces choses, prends min ulama al-sunnah, min ulama al-hadith. Lui, il va citer l'histoire et il va juger avec le kitab et le sunnah. Il ne va pas juger avec sa hawa. Et crois pas que ulama al-sunnah, ils n'ont pas d'informations sur hada, abadan. Lis les livres de Cheikh Mohamed Aman, de Kathir Minal Ulama, de Cheikh Rabi Havidallah, ça t'a'adjab les connaissances qu'ils ont dans l'histoire. Ça t'a'adjab. Le prof d'histoire, Ta'ban, 30 ans, il a conclu la révolution c'est khayr. Tu trouves Alam Minal Ulama al-sunnah, il a analysé l'affaire, bil kitab ou al-sunnah, il conclut l'anaha c'est shar. Et le haq, il est avec lui, il a chak. Il a chak. Amma, l'autre, le professeur d'histoire, c'est un vaïa. Il fait ça pour les euros. Mais ceux-là, ils font ça, les dînes d'Allah. Fa'ant ayyuha al-muslim, istafid min ha'oula. Si tu veux comprendre ton dîn, istafid min ha'oula. Amma, t'attends qu'un kafir, il t'explique. Fa'abadan. Ala kulli hal, al-hasil al-an, an al-intikhabat, walidat al-demokratiya. À l'intikhabat, les élections, anta, mets-toi bien à l'image, c'est la petite fille de la démocratie. Ou, on peut donner une image, nous, la démocratie, elle a vomi, ça a sorti l'intikhabat. Enfin, si t'as compris ça, si t'as compris ça, t'as compris, Anna, à l'intikhabat, c'est min a'zam, al-wasa'il li tahqiq, hada al-fikr al-khabith. Fikr al-démocratie. Mais Anna, si tu réfléchis bien, al-démocratie, c'est la pensée. Et al-intikhabat, c'est le moyen pour emmener cette pensée. Aïe, tu votes, et la démocratie va s'établir. La démocratie, c'est battle. Les wasa'il, ça va être battle. Toutes choses qui emmènent à la démocratie, ça va être battle. Les Anna, ma bouni à la facet, fa huwa facet. Wa ma bouni à la battle, fa huwa battle. الوسائل لها أحكام المقاصد هكذا يقول أهل السنة علماء السنة أن الوسائل للشوز كما أن الشوز elles ont le même jugement que cette chose si la démocratie c'est du kufr et c'est haram les choses qui vont amener à cette démocratie c'est haram كما بينا الشيخ محمد أمان في كلامه انظره وفي الحقيقة أن هذا البيان إذا فهمته أن الانتخابات سبب الديمقراطية إلى آخره في الحقيقة يكفي pour montrer أن الانتخابات ضلال من وسائل الكفر من وسائل الكفر لأن الديمقراطية سجل كفر في الحقيقة يكفي هذا يكفي celui qui veut préserver son din il aime Allah il aime الرسول et il veut le خير pour lui et pour les autres يشتري بهذا il sait أن سبب الكفر ça vient des kuffars. Le système des élections, aslan, il est batel. La majorité, c'est batel. Tu peux trouver 100 personnes, ils sont d'accord avec une chose, c'est batel. C'est batel. Si tu demandes à 100 soulards, est-ce que l'alcool c'est bien, ils vont dire na'am, tayyib. Ça veut dire que c'est haq. Tu peux trouver un salih, il dit c'est char. Et il montre pourquoi. Kada, kada, kada, kada. Bah, في الحقيقة هذا يكفي. لكن, on est dans un zaman, أن بعض الناس تأثروا بأفكار الغرب وتأثروا بشبهات. C'est ça qui fait du mal. أما في الحقيقة هذه المسألة والله أن هذه المسألة مسألة الانتخابات عند السلف elle aurait pas fait un jour. أبدا. Ils auraient analysé الانتخابات avec des كفار خلاص. ابن عباس رضي الله عنه كما تعلمون إلى أنكر il a réprimé à la main, بعض الناس à son époque, ils allaient demander des choses aux Nasara. rapport au din. Aïe, maintenant dans notre Coran on a kada, est-ce que dans votre livre vous avez kada? Ibn Abbas, ankar alayhim. Ankar. Il a dit, kif, tas'alounahum? Il dit, wallah, j'ai jamais vu un kafir venir nous demander quelque chose. Kif, antum tas'alouna? Ça c'est le genre de soual et c'est fait din. Ma balouk, tu choisis un ennemi de l'islam, c'est lui qui te gouverne. Ma balouk. Ma balouk, tu rentres dans ce système par où t'es kufri. Ma balouk. A qui on est dans un zaman, sallallahu alayhi wa sallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها فتن هذا كنا نتخن فيه نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. نذكر بعد هذا أهم المفاسد وفاسد les plus grands méfaits des élections pour appuyer anna les élections c'est haram mutlaqan, que ça soit un pays musulman dans un pays kafir c'est pire, que ça soit t'as une maslaha, que ça soit t'as quelque chose, c'est haram mutlaqan. T'as pas le droit. Quand il y a le cas et la daroura c'est un thème, on répondra aux choubahat et on citera cette choubha. Al-mafsad al-oula, le premier méfait, الإنسان بسبب هذه الانتخابات قد يقع في الشرك بالله عز وجل. La première mafsada, أن الإنسان قد يقع في الشرك. أي la personne qui rentre dans ce système, il peut associer Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'en rend compte ou il s'en rend pas compte. من حيث يدري أو من حيث لا يدري. معنى أن الانتخابات وليدة النظام الديمقراطي ووسيلة من وسائله هذا تقدم معنى كذلك أن الديمقراطية البازي أن الحكم إلى للشعب. الآن on va montrer comment la démocratie, les ulama ils disent que c'est du kufr, c'est du shirk. Mais la démocratie, le pouvoir il est au peuple. Allah subhanahu wa ta'ala fi le Coran yaqul in il hukmu illa lillah. Al-an al hukm, le pouvoir, le fait de juger, c'est min khasa'isillah. C'est min khasa'isillah. Celui qui pense qu'une créature elle peut juger par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ashraka ma Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha ash-shay. Fi hadha ash-shay. Fali hadha qala 'azza wa jalla wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Fali hadha Allah subhanahu wa ta'ala il a montré anna celui qui juge par autre que les lois d'Allah, c'est un kafir. Il y a un tafsil, on l'a vu dans Kutub al-Tawhid. Anna celui qui pense qu'il a le droit, la shak fi kufrihi bil ijma'. S'il pense, il dit na'am, on a le droit d'inventer des lois autres que celles d'Allah, c'est un kafir billah azza wa jalla. Al-an, on revient à notre mas'ala, les élections. Al-an, si le pouvoir il est au peuple, et ce peuple ils élisent wahed, ce wahed, s'il invente des lois autres que celles d'Allah, ou des lois qui combattent les lois d'Allah, antal an, huwa sa mushrik. C'est un kafir. Si c'est un hakim, yahkum bighayri ma anzal Allah, il déteste hukm Allah, il a akhiri le tafsir qu'on a beaucoup vu. C'est un kafir. Maintenant, fi bilad kuffar, c'est un kafir. La shakavi. Fa anta, si tu votes pour lui, al-an, tata'awun fi shirk avec lui. Kif, tu donnes ta voix à une personne, il va inventer des autres lois et il va combattre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une loi qui interdit le hijab, une loi qui interdit kada. Qu'est-ce que tu participes à hadha shar? Qui c'est qui t'a donné la responsabilité? Qui c'est qui t'a donné l'ordre de faire hadha? Qui c'est? Ça vient d'où? Hadha, ça vous montre que la mas'ala est khatira jiddan. Crois pas que l'intikhabat c'est une petite mas'ala. Les élections, je vote pas. Il y a un khilaf, si je vote c'est pas grave. Crois pas hadha. Wallahi, les kuffar ils ont mis hadha, illa ils ont un gharad. Ils ont un gharad. Et ce qui se passe là dans Bilad les musulmans, ouvre les yeux, ayyuha al-muslim. Ça vient illa min hadil umur. Illa, il faut qu'ils votent, ils ont fait des révolutions et on dorshar où qu'ils sont. Ils n'arrivent plus à s'en sortir, masakin. Ils n'arrivent plus à avoir le bout. Ils n'arrivent plus à avoir le bout. Une élection, wahed y passe, tu trouveras toujours un groupe, il n'est pas d'accord. Une autre révolution. Et ta'lamouna, les nôtres, nahnou, c'est pas les Européens, nahnou. Nahnou, il va jusqu'au bout, jusqu'à la mort, il perd tout. Amma le meskin, le kafir, il va vite abandonner. Ils ont mis le virus fi al-umma al-islamia, on dort les dégâts. Hein. Comment tu vas arrêter hadi al-masa'ib? Illa yasha Allah. Qala Sheikh Mohamed Aman, al-Jami, rahimahullah. Il va montrer pourquoi al-intikhabat, ça peut faire tomber la personne fi shirk. قال إذا تبين أنه لا يجوز شرعا مضاهات الله والتشبه به في تشريعه بنصب رجل هذا الآن الإمام محمد أمان رحمه الله نموت أنه on est tous d'accord أن الحكم لله personne a le droit de légiférer avec Allah subhanahu wa ta'ala personne. Allah subhanahu wa ta'ala, matalan, il a dit l'alcool c'est haram, c'est un jugement. Personne n'a le droit de venir et dire là, on va demander au peuple s'ils sont d'accord et à jouz. Personne. Ah on est tous d'accord. Qala wa tashabbu bihi fi tashri'ihi bi nasb rijal yushri'una ghayra shar'illah. Fakadhalik la yajuz istikhdam ay wasila min alwasa'il almu'diya ila dhalika at-tashri' al-bashari. Al-imam Muhammad Aman rahimahullah il montre Aslan Mas'ala, on est tous d'accord. On n'a pas le droit d'inventer autre, ou juger avec autre que les lois d'Allah. On est tous d'accord. Si une personne y croit qu'il y a des autres lois qui sont meilleures, ou pareilles, ou il y a juste de voter avec autre, de juger avec autre que les lois d'Allah, c'est un kafir. C'est un kafir. Ça fait sortir celui qui juge avec autre que les lois d'Allah, lakin, il sait qu'il est à la battle, il sait qu'il fait un péché, lakin, il a une faiblesse. C'est passion, dépression, ou miladoum. Ali Aqidat al-Sunna, c'est un musulman. Anna, les trois autres cas, s'il pense que c'est meilleur, ou c'est pareil, ou il a le droit de juger avec autre que les lois d'Allah, c'est un kafir. Inda ulama al-sunnah. Fal'an, chaque chose, chaque wasila, et chaque chose qui va mener à ce hukm, c'est haram. Al'an, est-ce que l'intikhabat, elles emmènent à hada? La shak. La shak, l'intikhabat, ils votent, c'est que pour qu'une personne, et il leur fait kada, kada, kada. Les hada, tu trouves, Anna fait l'intikhabat, dès qu'ils font ce qu'ils appellent une campagne, matalen, celui qui veut des voix, il leur propose des lois. Hada. C'est des kadhab, ils mentent. Daïman, ils proposent, on n'a jamais rien vu. Lakin, al-muhim, ils ont cette aqida. Si tu votes pour moi, on fera kada, on fera passer cette loi, on fera kada, on fera kada. Quand tu vas donner cette voix, tu vas donner à ce tarout qui va hukum bi ghayri ma anzal Allah. Par autre, c'est un kafir, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? C'est un kafir, les musulmans. C'est un kafir. Qala, rahimahullah, nakmil. Qala, ila thalik al-tashri' al-bashari al-lazhi yunazi' tashri' Allah. Kantikhab rijal al-barlaman. Al-barlaman, en arabe, c'est le parlement. Al-barlaman, c'est le parlement. Qala, au majlis al-sha'b. Lianna, ta'lamoun anna, un nidam démocratie, ils ont un système, mathalan, on a le peuple, ils votent pour des hommes, ce qu'ils appellent les députés. Les députés, là, ils sont au Parlement, et c'est eux qui votent les lois. Mathalan, ils sont 500 ou hakada, mathalan, une loi, est-ce que le hijab, on l'interdit, amla. Ils votent les 500, si la majorité, elle l'emporte, c'est haram. Ils l'interdisent. Si elle l'emporte pas, ça reste yajouz. Al-An, qui c'est qui juge, qui c'est qui légifère des lois, c'est Al-Bashar. C'est pas Allah. Azza wa Jal. Inda ha'oula. Hada huwa ayn al-kufr. N'ai aucun doute que c'est du kufr, ayyuha al-muslim. Qala wa fil haqiqa, ou qala wa inda al-tahqiq. الآن الشيخ محمد أمان يبقى كونكلور اختيار أي لزيلكسيون عند الشيخ محمد أمان سي القول الصحيح فالقول اللي بازي على التحقيق لا مسألة إلا أناليزي رحمه الله قال اختيار أرباب يعبدون من دون الله في الحقيقة سهل اختيار أرباب يعبدون من دون الله في الحقيقة tu choisis une personne qui va être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette adoration, c'est le fait qu'il juge par autre que les lois d'Allah. Et les personnes, ils l'encouragent. Ça, c'est une adoration. لأن الحكم إلى الله. الحكم إلى الله. قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. هذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي الكتاب والسنة حكم الله القرآن حكم الرسول السنة هذا المؤمن. أما سلوك عقيدة أن فلان فلان يبلجيفيغي هذا إلي على خطر. قال رحمه الله كذلك أي شيخ محمد أمان وأما شرك الطاعة والاتباع فهو التمرد على رب العالمين والخروج على شريعته وعدم قبول حكمه وتحكيمه في الشؤون كلها أو بعضها. هذا شرك الطاعة. الآن نحن سي وغفلشي لماذا لا بيرسون يرفيان با حكم الله وكتاب الله وشريعة الله. لماذا يدلس توسا إيفا فيغ أوت شوز. إما سا فايت أن إيغنورون إما سا فايت أون بيرسون إيفا كخواغ كو سي يجوز إما أون بيرسون إيفا ديتستي حكم الله إيفا إيمي لوت حكم إلى آخره. هذا هو الشرك هذا هو الشرك والعياذ بالله. قال رحمه الله وما يسمى الانتخاب الحر وسيلة ظاهرة إلى هذا النوع من الشرك. الشيخ محمد أمن قال سكيزابل الانتخاب الحر أي les élections libres أي t'es libre tu choisis qui tu veux. قال الشيخ محمد أمان في الحقيقة إلى aucun doute رحمه الله أنه c'est une chose qui va emmener à هذا الشرك. نعم لأن on va élire des personnes qui vont juger par autre que les lois d'Allah et ils vont légiférer des autres lois des nouvelles lois ils vont inventer des lois والعياذ بالله. كذلك رحمه الله أي توجور كلام شيخ محمد أمان قال وإذا أدري الانتخاب ورشح المرشحون لعضوية مجلس الشعب أو الرئاسة فماذا يعمل أعضاء مجلس الشعب والرئاسة ورئيسه ماذا يعمل أعضاء أو فماذا يعمل أعضاء مجلس الشعب ورئيسه. الشيخ محمد أمان الآن دي خلاص ils ont voté la personne il a voté. الآن toi أيها المسلم tu dois te poser une question. La personne t'a donné ta voix t'a voté pour lui. الآن qu'est-ce qu'il va faire ما qu'est-ce qu'il va faire الآن. قال الشيخ محمد أمان قال وبأي شريعة يحكمون. الآن أنت تدور تسأل السؤال. جي فوتي بور فلان إيفا جوجي افيك كو سي جوج افيك الكفر تي تي ان دي كوز تا بارتيسيبي هذا تو لا ايدي ا بروند لا بلاس اي جوجي بالكفر. Ça, ça vous montre la gravité de ceux qui parlent d'élection في بلاد الكفر en France ou autre. الآن tous les candidats en France معروف أنهم كفرة et ils vont juger avec autre que les lois d'Allah. هذا اتفاق. On est tous d'accord. Muslim et kafir, on est d'accord à la had. Kaif anta yuha al-muslim an, tu vas donner ta voix et tu sais que il va juger autre que les lois d'Allah. Mathalan, les personnes qui ont voté les anciennes élections. بعض الغافلين من المسلمين المشكلة الآن حتى من أهل السنة صاصي المصيبة. أما عامي مسكين يحصل منه هذا صاع عامي لا يدري لكن السني استحي على نفسك استحي استحي غشيت وأحسن لك. الآن ceux qui ont voté les dernières élections مثلا t'as donné ta voix t'as voté بعض الناس يقول que l'amr il est sahl t'as voté pour fulan ou fulan مثلا celui qui a pris le pouvoir ils ont inventé une loi le hijab il est interdit. الآن t'as voté t'as participé à هذا t'as participé à t'as donné ta voix il a pris le hukm il combat l'islam ta voix il n'en a pas besoin ou s'il en a besoin c'est pour son intérêt personnel. Amma anta t'as besoin de ton din ayyuhal ghafil tu donnes une voix à il combat l'islam t'as donné ta voix tu l'as choisi wal'iyadu billah ça va être quoi ta hujja inda Allah ça va être quoi ton excuse qui c'est qui t'a forcé qui c'est qui t'a demandé de voter qui c'est écarte-toi ya akhi. Écarte-toi, tu fais du mal à ton din et eux, ils t'acceptent pas. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Wallahi, tu peux voter 50 000 fois, ils ne donneront pas ton haq. Jusqu'à tu deviens nasrani, yahoudi, là bas, ils vont mâcher le hal avec toi. Amma, tant que tu seras dans ton din, arrête de rêver, arrête. وَقَالَ rahimahullah كذلك أي إلى cité les questions ثم قال وهي أسئلة قد تحرج الإجابة عليها صحيح بعض الناس ils peuvent avoir du mal à répondre à هذا الآن c'est des questions نحن on les cite tout le monde avant d'aller voter si t'es un musulman cherche une réponse et vois la vérité en face si ça te fait du mal à ton dîne délaisse si t'as des doutes délaisse دع ما يريبك إلى ما لا يريبك et اتق الشبهات si tu veux préserver ton dîne قال الشيخ محمد فالجواب معروف لذا كل من له إلمام بهذا الشأن صحيح celui qui a analysé qui a étudié cette مسأله الجواب il est واضح جدا فعليه رحمة الله un dernier كلام de الشيخ محمد أمان avant de passer à la deuxième mafsada قال وقال رحمه الله فالمفتي الذي يفتي بجواز الاشتراك في تشريع يخالف شرع الله كأنه يقول من حيث لا يشعر يجوز للإنسان أن يكون شريكا لله ومشرعا معه للمصلحة أو ليخدم المسلمين نعم celui qui autorise les gens à voter Cheikh Mohamed Aman il te montre c'est comme s'il disait là-bas on a le droit de voter pour Foulan même s'il vote par autre que les lois d'Allah peut-être qu'on va avoir un intérêt c'est grave هذا الآن سكراب ولا شك أنه سيسان سني من باب أولى سيسان عالم إلى بست ستنية أبدا علماء السنة يسون بعيد عن هذا لكن سأمبلك هذا لابد لابيرسن الفتوى في الانتخابات أو في غيرها لابد يرغرد إسكال الصواب أم لا إسكال لفي أفنسي دان صن دين أم لا الآن نحن والله الحمد ونا جامي فوتي والله الحمد أو ونفوت با Est-ce que ça nous fait du mal dans notre dîne? Abadan. Belle, si tu vas voter, du mal dans ton dîne. Tu auras la mixité, tu as des photos partout, tu ne peux pas enlever le munkar, c'est un système de kafir, il a akhiri, toutes les mêmes facettes qu'on va voir. Tu as avancé quoi dans ton dîne? Et à la fin, là, t'as choquant. C'est pas sunna qui va. Ils vont pas recombiner sunna en France. Et oublie, Hada. Oublie. Tu te poses la question, pourquoi? Allah alam. Ma nadri. On leur laisse la question à ceux qui ont ces choubas. La deuxième mafsada, ta'atil shara'illah. Ta'atil shara'illah. Aïe, avec ces élections, shara'ullah, yu'attal, fi kathir min al-amakin. Aïe, on n'applique plus les lois d'Allah. Matalan, on prend l'exemple du hijab. Min shara'illah. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن من شرع الله الله سبحانه وتعالى il a ordonné au prophète sallam qu'il ordonne à ses filles à ses femmes et aux femmes des croyants ses femmes elles doivent porter le hijab من شرع الله الآن avec l'intikhabat la personne qui prend le pouvoir ils peuvent faire une loi Ils regardent, est-ce que le peuple, vous êtes d'accord le hijab là? Si c'est des ennemis de l'islam, ils n'aiment pas le hijab, ils vont dire là. Ils vont inventer des excuses vaseuses et ils vont dire là, on ne veut pas le hijab. Une loi, le hijab il est interdit. C'est comme ça, la démocratie et l'intikhabat. Demain, une loi, l'adhan c'est passé, le hijab c'est passé, et les lois pour interdire, ou hakada. Chaque année, une loi. Hakada. Eux, ce qu'ils veulent c'est. Combattre l'islam. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال وقد صوت في بعض البلاد الكافرة على اللواط خسارة الأغلبية الذين يقولون باللواط ثم قررته الدولة انظر العجائب الشيخ مقبل il dit dans un pays ils ont fait un vote est-ce que اللواط يجوز اللواط l'homosexualité est-ce que يجوز أم لا تعلمون الآن il y a des pays Ils ont droit à faire un contrat de mariage entre hommes, wal'ayadu billah. Ou entre femmes. هذا الآن في شرع الله dans l'aql. Dans l'aql, ça rentre pas dans l'aql. Un homme, il se marie avec un homme. حتى les حيوانات, ils font pas هذا. حتى les animaux, un mâle, ils cherchent une femelle. Under. الآن, la loi, ils ont été d'accord, vu que c'est des mufsides, ils ont plus d'uqul. C'est des kuffars, ils n'ont plus la raison et la akhira. Enfin, ça leur a pas fait de mal. Non. Un homme, il veut se marier avec un homme, il y a juste. Ils ont fait la loi. Al-An, dans certains pays, il y a juste. Al-An, ils sont en train de regarder est-ce qu'il adopte un enfant Amla. Wal-ayadu billah. Ils veulent que l'enfant il devienne fou. Il voit que des hommes autour de lui. Wal-ayadu billah. الشيخ مقبل اسمع العالم كم يفوى الوان هذا الكلام الآن الشيخ مقبل تعلمون الشيخ مقبل صافي ديزان داني لمور plus ce كلام il l'a dit ممكن ديزان avant sa mort هذا الكلام الآن il tourne il y a 20 ans هكذا يا جماعة il y a des choses c'est pas arrivé لكن أهل العلم الله سبحانه وتعالى il leur donne un nour et avec le علم qu'ils ont ils voient la fitna arriverهم اسمع الكلام قال أتدرون لو حصل تصويت أيصوم الناس أم لا يصومون أيحج الناس أم لا يحجون comme ils appellent des référendums تعلمون référendum c'est le peuple qui choisit oui ou non مثلا une masala est-ce que vous êtes d'accord أم لا et tout le monde vote مثلا الشيخ مقبل dit si font ça pour siyam ou salat ils disent مثلا les mosquées et la salat on fait un référendum dans un pays qui déteste l'islam la chèque ils vont combattre cette chose ils vont dire on veut plus les mosquées on veut plus qu'ils fassent salat dans les mosquées خلاص ils ferment les mosquées مباشرة قد يقول قائل هذا سبعيد والله سبع بعيد ils l'ont fait avec une sharia عظيمة avec le hijab الشيخ مقبل الآن il a pas assisté à la loi هو du hijab il est mort bien avant لكن انظر il voit les élections que ça peut être un char ça peut t'enlever une sharia من شعائر الإسلام ils l'ont fait avec le hijab أعداء الله ils l'ont fait avec le hijab لكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه نحن aussi de ça والله ils ne font pas de mal أبدا لكن نحن aussi de ça pour mettre en garde فقط أما الله سبحانه وتعالى هو القائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون dans l'autre آية ولو كره المشركون dans la troisième آية وكفى بالله شهيدا نحن نستعقيدة أن الله ينصر دينه c'est des épreuves فقط لكن نحن ما وقع المسلمون ما وقع لأنهم مساكين كثير من الناس ils voient pas le danger ils voient pas le danger et ils se laissent aller هكذا ils croient que la masala elle est facile المفسدة الثالثة la مفسدة الثانية مفهومة أن avec les élections si ils sont d'accord ou la majorité elle vote pour enlever une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ils le font ils l'ont fait avec le sharia ils l'ont fait avec le hijab ils l'ont fait هذه c'est une mafsada azima le muslim la yarda bi hada abadan abadan un muslim qui a un cœur vivant la yarda bi hada abadan la troisième mafsada munaza'at al-amr li ahlih ay an avec cette intikhabat fi al-haqiqa si tu réfléchis bien c'est une sorte de khuruj ala al-hakim ay je suis plus d'accord avec lui je veux qu'il parte je vote pour un autre هذا في الإسلام سي حرام قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الأمير سمسلم الطاعة الطاعة بالضوات ديزوبية إلا سينوديد فر انشوز دو حرام أولي وبيبا أما كون في الخروج كونتر لوي كسا سوا avec les armes أو avec la langue أو avec une idée لا يجوز لا يجوز الإمام النووي في شرح مسلم نقل الإجماع أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يمطق أن لا يجوز الخروج على الحاكم بوجه من الوجوه avec n'importe quelle وسيلة لأن بعض الناس ils ont une idée أن le fait de se révolter contre le gouvernement c'est avec les armes فقط لا والله أن الخروج avec la langue أحيانا il fait beaucoup plus de mal فالآن on revient aux élections si un حاكم est مسلم on n'a pas le droit de sortir contre lui l'enlever on n'a pas le droit s'il fait du khair zallahu khair s'il fait du mal yom qiyama il paiera et nahnu nasbir comme a dit l'Abi sallam man wajada min amirihi shay'an fal yasbir il patiente amma on l'enlève hakada on ne suit pas nos passions nahnu dans l'islam là on patiente et on conseille et on essaie de trouver des solutions bi shara avec ulama à l'islam on essaie de trouver des solutions amma on n'est pas d'accord avec on fait le khuruj هذا سبب الفتنة. Tu sais pourquoi c'est سبب الفتنة? لأن dans un peuple, tu auras toujours quelqu'un qui est pas d'accord. دائما. Jamais tu auras un حاكم, tout le monde l'aime, tout le monde est d'accord. أبدا. أبدا. إلا الأنبياء والرسل وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما نحن parle الآن, tu mettras واحد, il y aura toujours un فارغ. Il y aura toujours un فارغ, il est pas d'accord. دائما. دائما. فسي on ouvre ce bab, à chaque fois. واحد يتوم واحد يغوين واحد يتوم إلي فتن إما ريفوليسيون إما إليكسيون هذا سيسكي سباس الآن يا جماعة قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال ومن بايع إماما النبي صلى الله عليه وسلم الآن يبقى نمطخي المسلم كما يدوى سكمبورتي avec le gouverneur قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع. Tant que tu peux lui obéir, obéis-lui. Si tu ne peux pas, ça ne veut pas dire que tu te révoltes. Là. Tu ne peux pas, tu patientes. Et on ne lui obéit pas dans le ma'asiyah. Dans le péché, on n'obéit pas. La ta'a li makhlouq fi ma'asiyat al khalib. Inna ma ta'a fi le ma'rouf ou bi le ma'rouf. Wa qala Isa wa sallam, fa in ja'a akhar yunazi'hu fa dhribu 'unuq al akhar. Si un deuxième il vient, il y a un président, un roi, un hakim, il est en place. C'est un musulman. On doit lui obéir comme il nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un deuxième il vient pour prendre la place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit fa dhribu 'unuq al akhar. Dhribu 'unuq al akhar. Il n'a pas le droit. Pas le droit de toucher à cette place. Allah subhanahu wa ta'ala il a qadar qu'il a à cette place, on patiente. On patiente. Et même pour qu'un autre il prend la place, on a vu l'islam. Imma lui, il désigne un autre, imma ahl al-shura ila akhir. Si lui il veut quitter son poste. Amma al-fawda, wahid il est pas d'accord, deux ils sont pas d'accord, et ils veulent choisir un autre, la yajouz. La yajouz illa fi al-nizam al-kufri al-demokrati. Ha'oula, ils autorisent mitla hada. Qala al-mubarak fouri, rahimahullah, safiur rahman, il a un kitab al-ahzab, al-siyasiya fi l'islam, qala wala shak anna hadhihi al-munaza'a تتحقق في الانتخابات. أي لا سيتي لأدلة لفت دو سورتير كونت لو غوفرنور اي مونتر ان لا ليزيليكسيون سي اون فاصون دو سورتير كونت لو غوفرنور. اي اون انا مار او بو دو 5 ان في ديزيليكسيون اي فو كي بارت. هذا في الاسلام سي با هكذا ابدا. الامام احمد رحمه الله تعلمون اون في بوكو دو فوا لا قصه انه رحمه الله il a été éprouvé par un hakim dans sa aqida. أما نحن الآن كثير مننا في سلام. Tu manges, tu dors, tu fais ton din. Tu trouves بعض الناس cette ni'ma, ils en prennent, ils connaissent pas l'importance de cette ni'ma et ils rentrent dans des choses qu'ils maîtrisent pas. Là, les votes c'est يجوز, là كذا et يتخبط. الإمام أحمد il a été prouvé dans son din. Le hakim il lui a dit, t'es obligé de dire que le Coran il est makhlouq. Kufr. Al-Imam Ahmed il a patienté, ils l'ont tapé, fouetté, enfermé, emprisonné. Jamais un kalam remplaçait-le, abadan. Hatta marra ijtama'u, ils sont rassemblés عند l'Imam Ahmed et lui ont fait comprendre une fatwa et on enlève ce hakim, on fait le khuruj. L'Imam Ahmed il était mu'azzam عند المسلمين جدا, khasatan fil Irak, comme vous le savez. Il était à Baghdad, huwa. Une fatwa, intaha. Il y a une révolution, le hakim il ne pourra pas tenir. Mais l'Imam Ahmed, abadan. Dès qu'ils lui ont fait comprendre, il a dit abadan. Abadan, il a dit pensez à Dima al-Muslimin. L'Imam Ahmed l'a patienté. Allah subhanahu wa ta'ala, le premier hakim il est mort. Le deuxième il est mort. Le troisième il est à la sunnah. Trois hakim ils sont passés avec l'Imam Ahmed. Trois. Al-Ma'moum, al-Mu'tasim, al-Ma'moun, al-Mu'tasim et Iman al-Talit, al-Mutawakkil. Trois. Le troisième. Avec sa patience, le troisième, Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé son cœur, il est à la sunnah. Et il a appuyé l'imam Ahmed, rahimahullah. Pas d'élection, rien. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. هكذا, il est le muslim. Amma, tu crois qu'avec les ma'as, tu vas t'en sortir? Abadan. Abadan. Ta'ibtoum, on finit demain. Ma, on finira pas aujourd'hui, là, chak. Lakin... نعم نكمل الأخير بإذن الله للشبهات الأخيرة دمع. نعم باقي وقت. قال المفسدة الرابعة هكذا إشام على كتخيم الرابعة التفرق والتحزب. Ça c'est le quatrième méfait des élections. أن les élections c'est une cause, c'est un سبب, ça divise les musulmans. لماذا ça divise les musulmans? لأن les élections, pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait plusieurs candidats. Il y aurait un candidat, il n'y aura pas d'élection, il prend le pouvoir. Vu qu'il y a plusieurs candidats, il y en a quatre. Khalas, ça va diviser les musulmans. Il y en a une partie, elle va vouloir voter pour le premier, une autre partie pour le deuxième, une autre partie pour le troisième, une autre partie pour le quatrième. Ça va diviser les musulmans. Quatre groupes là. Et il y a un cinquième groupe, il va être d'accord avec personne. Al-An, c'est une division. Amma, à l'époque de Rasoul, à l'époque de Salaf, il n'y avait pas هذا الشر. Le hakim il prend le pouvoir. Le chef il n'a pas donné son avis. Le peuple c'est pas son ressort. هذا. Là. Le hakim il est à la place. Il prend sa place. Et al-baraka min Allah. Amma hakada on donne le choix, ça fait la division mubashara. Ça fait la division. Wa Allah subhanahu wa ta'ala harrama al-iftiraq wa al-tahazzub. قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طب هو التفرق لا يجوز لا يجوز خاصة الآن تفرق على باطل. أما si on suit le haq et il y a des personnes qui veulent battre, ça va faire de la division. هذه الآن on n'a pas le choix, c'est lui qui divise, نحن on est على حق. لكن الآن qui c'est qui t'a dit de te diviser في هذا. Tu prétends que ton candidat il a le haq, l'autre il prétend que son candidat il a le haq. Rassurez-vous, les deux, vous êtes à la batil. Si c'est intikhabat, vous êtes tous à la batil. Qala azza wa jal, wa la takounu minal mushrikin. Minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Ça te montre que le tafarruq, c'est min sifat al mushrikin. Et c'est min al tashabbuh bil kuffar. Mais les muslims, là, ummatun wahida. Nous, on est une umma. On n'a pas hada tafarruq. On est des frères. Amma hada tafarruq, تعلمون أن سامبليك دي شوز خطيرة خطيرة القتل والقتال كثير ليزريكشون سافيني كثيرا قتل وقتال دي حروب وهكذا هجر هذا يتعطى هذا لأن هذا اللي بحتي كذا لودخي اللي بحتي كذا وهكذا سا سيبا من دين الإسلام أبدا. Le prophète sallam il est venu nous a rassemblé autour de l'kitab et de sunnah. Enfin, on n'a pas le droit de se diviser pour fulan ou fulan, pour un parti ou pour un autre. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku. C'est pas facile ya jamaa, الناس اختلاف الان. Si on ouvre les portes aux musulmans, les élections, on va se diviser. Il y en a, il y a plusieurs partis. Cette division, c'est une des causes. Cette division elle peut nous emmener à notre perte. Fahalaku. Le prophète il a montré que les communautés avant nous, ils sont divisés, ils ont été à leur perte. Wal'iyadu billah. Fahrist ala ma yanfa'uka ayyuha al-muslim. Pense à ton din. Pense à ton din et écarte-toi de hadith l'umour. Wallah, hadith l'umour, elles te font du mal. Wallah, ça serait un khayr, les kuffars, ils ne l'auraient jamais montré aslan. Ils l'auraient gardé pour eux. Comme ils font avec certaines choses. Le domaine de l'industrie, l'akhir, il y a des choses, jamais ils donneront un harf aux musulmans. فكيف هذا سجرون خير يتلدون هكذا بدما بإذن الله نكمل بعض المفاسد ونرى الشبه que certaines personnes ils ont في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات. دما إن شاء الله on fera cette كلمة à la place de notre درس إن شاء الله c'est du خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.